Mastar sur un beat et basta. Hey yo Masta, c'est une dinguerie massa. C'est la porte aux mafias, venue pour tout basta. Putain de mise en place comme dans chez Versace. Fumant les bécanes, c'est le Portugal dans mon crâne. Portugal dans mon crâne. Portugal dans mon crâne. Portugal dans mon crâne. Portugal dans mon crâne. Portugal dans mon crâne. Portugal. Warner et Zika pour le bled bled fa. Du vert au rouge on passe, le bleu blanc rouge on zappe. On se dit distingue sur le beat beat zinc. C'est de la zik zik mu pour tous mes toasts to zinc. Te presento Faf Star et tes remix. This is the remix. Tout ça gang eh. DJ Dom Pauline, DJ Dom Pauline, DJ Dom Pauline, DJ Dom Pauline, DJ Dom Pauline. Portugal Faf, tu sabes. Hoppa, yepa, yepa. Vas-y viens, j't'emmène. Je débat ma ville, les Bustelles, mon bled. Yepa, yepa. Vas-y viens, j't'emmène. J't'explique ce qu'il m'arrive et pourquoi mon pays je l'aime. Yepa, yepa. Vas-y viens, j't'emmène. Portugais, je suis fier et Portugal, je représente. Yepa, yepa. Vas-y viens. Je suis fier et Portugal, tu représentes. Yepa, yepa.